Billet 10$, 5$ pour les étudiants. 88-643-9833. Androgyne, Andrea, féminine est ton roi. J'imagine que tu as... Ce soir, à l'aérospatiale, l'art actuel à l'honneur dans les vitrines des magasins Simons, la minute vidéo et l'appel de dossier Poste de Folie Culture et Anne-France Leclerc à Espace Parenthèse. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Bien sûr, sur les ondes CKRL 89.1. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey Caro. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Voilà, février s'achève, hein? Dernier oui. jour de février, ça a passé vite. Quand même, avec toutes les activités artistiques qu'on a eu à faire pendant tout le mois, ça passe vite. On a eu le vent dans le toupette, là. Oui. Fait que, voilà. Avec un peu de brou. Un peu de brou, oui, exact. Le mois multi, donc oui, c'est terminé cette fin de semaine et Manif d'art 8 bat son plein actuellement. Faut quand même rester à l'affût, hein, parce que certaines, on en discutait avec notre invitée Anne-Sophie Blanchette qui est déjà avec nous en studio. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Donc, il y a déjà plusieurs expositions là, qui vont se terminer sous peu, donc faut quand même être à l'affût de la programmation. Hein. On invite les gens à consulter le oui, site web. Oui, c'est ça, on n'attend pas au mois de mai pour aller voir toutes les activités du mois multi, parce que pas du mois multi, de Manif d'art, pardon. Parce que il y en a certaines qui cessent en cours de oui, de, c'est ça. Fait que il faut rester à l'affût, donc manifdart.org pour tout savoir ce qui est en cours et ce qui va se terminer rapidement. Ou vous pouvez attendre à la fin de l'émission à l'agenda de la semaine aussi. On va vous faire un petit topo sur ce qui est à voir cette semaine. Ou aller vérifier sur le calendrier de notre site web. Vous descendez tout en bas de la page et toutes les activités artistiques de la Ville de Québec sont indiquées dans notre calendrier. Exact. L'aérospatiale.wordpress.com. Donc, Jean-Tiane, qu'est-ce qui nous attend ce soir à l'émission? Tout d'abord, on va recevoir Anne-Sophie Blanchette en studio, qui est la commissaire adjointe de Manif d'art 8, et elle va nous parler des œuvres qui sont présentées dans les vitrines des trois magasins Simons à Québec, étendu. Et on va avoir l'occasion également de discuter des œuvres qu'il a sélectionnées, mais aussi de l'art dans les centres d'achat, quelque chose qui est quand même assez particulier, la diffusion artistique dans les centres d'achat. Et en deuxième moitié d'émission, on va recevoir Héloïse Plamondon-Pagé de Folie Culture qui va nous parler de la minute vidéo et aussi de l'appel de dossier tout chaud là, qui vient de sortir lundi, donc sous la thématique poste. Trait d'union, donc pris dans le sens préfixe. Et en fin d'émission, on va discuter photo avec Annie Charland Thibodeau qui vient faire un retour sur l'exposition Manœuvre du souvenir et de l'oubli présentée par Anne-France Leclerc qui est actuellement en exposition à Espace Parenthèse. Et on va terminer évidemment l'émission avec l'agenda de la semaine pour tenir tout le monde informé des événements en art visuel à ne pas manquer. Oui, et puis la sélection audio cette semaine, c'est moi qui l'ai concoctée pour nous, hein, parce que Simon Roy avait la broue dans le toupette pour faire un petit lien, hein, bien sûr, et malheureusement n'était pas disponible pour le faire. On va aller écouter un premier extrait, donc Freak Like Me de Santi Gold. Freak like me, freak like me, you a freak like me, freak, freak like me, me. We'll be right back. Alors, on est de retour à l'aérospatiale en compagnie d'Anne-Sophie Blanchette. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir. Alors, tu es commissaire adjointe de Manif d'Art 8 et, dans le fond, on t'a mandaté de de sélectionner des artistes, bien sûr, qui présentent des œuvres dans les vitrines des différents magasins Simon, celui du Vieux-Québec, de Sainte-Foy et même aussi aux Galeries de la Capitale. On a absolument une œuvre qui s'y trouve. Peut-être on pourrait y aller vaguement comme ça en disant que c'est un beau partenariat quand même entre Manif d'Art et Simons, qui est quand même, je pense, très ouvert aussi à la diffusion de l'art et de la culture. Oui, ils se sont montrés très ouverts dès le début du processus de négociation. En fait, Manif d'Art a toujours eu l'intention d'envahir la ville, oui, de faire des partenariats avec, des centres culturels, des centres d'artistes, mais aussi essayer de sortir des murs. On souhaitait décloisonner l'art contemporain. Et Simon, c'est un premier partenariat avec la Manif d'Art 8, cette édition-ci. Mm-hmm. Et ça participe vraiment de ce désir-là d'investir la ville, d'insérer un peu d'art contemporain dans le quotidien des gens, aller chercher un nouveau public aussi. Donc, on est très fiers et très heureux de ce nouveau partenariat-là. Oui, et donc, tu as fait la sélection. Il y a, dans la succursale du Vieux-Québec, 4 artistes qui sont présentés. Il y en a aussi 4 à Sainte-Foy et on en a un aux Galeries de la Capitale également. Québec et Sainte-Foy, c'est les vitrines, mais aux Galeries de la Capitale, c'est dans le magasin. C'est vrai que pas vraiment beaucoup de vitrines à celui de les Galeries de la Capitale. Non, effectivement. C'est pour ça qu'on a fait appel à Olivier Roberge, qui est un sculpteur. On voulait une œuvre qui pouvait être autoportante, si je peux dire, et qui est présentée juste avant d'entrer sous la rotonde au Simons. Donc, faut rentrer à l'intérieur du magasin. Et elle nous attend là, à la jonction des allées. Oui, c'est ça, tout près des accessoires là, puis de la section masculine. Et c'est intéressant parce que surtout cette œuvre-là, elle est là, mais elle est quand même discrète un peu aussi. Hein? Oui. Elle s'insère bien là au travers des présentoirs de marchandises, mais en même temps, ça suscite un peu l'attention. Ou en même temps, avec ces deux petites marches qui nous invitent à monter, parce que faut le dire aux gens qui l'ont peut-être pas vu, hein, c'est sur un socle, mais c'est une maquette. Oui, une petite maquette s'inscrit tout à fait dans la pratique d'Olivier Roberge, qui fait justement des petits mondes sous forme de maquette. Et on trouvait cette œuvre-là particulièrement intéressante pour un lieu d'art public parce que elle a une présence de par son socle et elle invite les gens à s'approcher de l'œuvre davantage. On peut monter sur le socle qui est en forme de marche. Il y a deux petites marches, comme vous disiez tout à l'heure. Et en fait, on peut surplonger ranger cette maquette-là et prendre le temps de regarder tous les petits détails, les petits personnages qui évoluent dans cette forêt-là au sommet d'une montagne. Donc, effectivement, c'est une œuvre qui, même, c'est un peu étrange, lors du montage, on s'est rendu compte à quel point l'œuvre s'insérait de manière presque organique dans l'espace du magasin, ne serait-ce que par les couleurs. Le socle s'agence très bien avec les dalles du plancher. C'est super étrange, ça n'a pas été calculé comme ça, mais on se rend compte à quel point l'art, des fois, justement, ça peut investir le quotidien, même des lieux aussi improbables qu'un magasin, et de manière tout à fait agréable et organique. Oui, puis il faut prendre le temps aussi de regarder cette pièce-là, parce que comme tu le dis, c'est une miniature, mais il faut prendre le temps de la regarder, de monter sur les marches, mais aussi de regarder ce qui se passe autour, parce que il faut en avoir plusieurs points de vue pour en déceler aussi le petit côté, si je peux dire, dérangeant. Oui, oui, oui, absolument. Puis c'est l'intérêt aussi de la présenter, pas en vitrine, mais vraiment au milieu de l'espace du magasin, justement pour permettre au public de faire le tour de l'œuvre et d'apprécier justement chacun des côtés, oui, c'est ça, de l'œuvre. Comme on disait, c'est un paysage où évoluent des petits personnages et quand on s'en approche, la scène peut sembler un peu bucolique. C'est des beaux arbres avec des couleurs automnales et tout ça. Mais quand on s'en approche, on découvre des corps à demi ensevelis. Il y a rien de violent là-dedans. Il y a pas de sang, mais on voit que c'est des corps qui sont ensevelis un peu dans la montagne. Et l'artiste voulait amener la réflexion à savoir, des fois, il faut pas grand-chose pour camoufler les apparences, ce qui est dérangeant. Et quand on s'en approche un peu plus, on découvre justement ce qui se cache derrière la surface. Mais en même temps, c'est une œuvre qui joue sur les deux plans parce que, justement, il faut pas grand-chose pour oublier le malheur, pour passer à autre chose, pour positiver. Et c'est pour ça que ça s'inscrivait dans la thématique de l'art de la joie, qui est la thématique de la Biennale cette année. Puis aussi, en t'écoutant parler, même, le contexte s'y prête très bien aussi de dire on va au magasin pour oublier ses soucis, oublier des choses qui peuvent nous paraître parfois un peu insurmontables ou difficiles. Ben, on va se changer les idées en allant magasiner, puis ça peut être vite oublié finalement. Tout à fait. Il y a ça, donc intéressant à aller à s'approcher, mais à expérimenter aussi dans ce lieu-là. Mais si on ferait un détour par Sainte-Foy, donc là par contre, ici on a de très grandes vitrines qui nous sont proposées. Il faut aller, c'est pas les quatre œuvres ne se succède pas. Hein. Il y en a deux sur la façade à l'entrée, mais sur le côté aussi, vers la sortie, vers le boulevard Laurier, là, il faut aller de ce côté-là pour découvrir les deux autres œuvres également. C'est ça. On ne peut pas les voir de l'extérieur du centre d'achat, il faut le spécifier parce qu'on me l'a demandé assez souvent. Il faut vraiment rentrer dans le mail. Les deux premières vitrines, comme vous le disiez, sont face au Laura Secor et les deux autres sont face au restaurant Les Trois Brasseurs, donc ça peut nous aider à situer un peu les deux vitrines, les quatre, c'est-à-dire vitrines. C'est tout à fait une autre ambiance. On est dans un univers qui est très lumineux. Les vitrines à Sainte-Foy sont magnifiques, des plafonds très hauts, très bien éclairés, tout en verre autour. Donc, c'était vraiment un espace particulier qu'on a offert aux artistes. Et ils l'ont investi de très belle façon, à mon humble avis. C'est comme un côté un peu boîtier, si on peut dire. Oui, c'est vraiment comme quatre petits écrans. Et encore là, on a été chercher des artistes qui œuvrent dans l'installation ou la sculpture pour avoir des vitrines qui sont totalement investies dans le 3D, en fait. Donc, c'est des petits mondes, comme vous disiez, des petits écrans qu'on rouvre et là, qu'on peut regarder à l'intérieur. Ça se présente vraiment sous ce format-là. On a une œuvre de Cynthia Dinan-Mitchell, qui est aussi présentée au Musée national des Beaux-Arts en ce moment. Qui était un de nos coups de cœur la semaine dernière aussi. Oui, et sa vitrine, elle est très jolie oui. aussi. Elle plaît beaucoup. C'est une envolée de papillons, encore là, qui joue sur les dualités entre mm-hmm. la beauté, l'éphémère, la vie, la mort. Très colorée, mais à la fois un petit peu sombre. Donc, c'est une œuvre vraiment à... Avec ses crânes aussi oui, de céramique qui sont là. Puis la très grande sérigraphie, oui. qui est magnifique d'ailleurs, oui. là, mais qui laisse ça sur ce plan-là entre justement vie, mort, beauté oui. et un peu d'horreur au On travers. Est vraiment dans l'esthétique de la vanité là, oui, historique, vraiment, mais au goût du jour, comme Cynthia sait très bien le faire. Exact. J'ai beaucoup apprécié son utilisation des miroirs, parce que les socles sont en miroir, oui. mais dans la vitrine en tant que telle, il y a des structures réfléchissantes en miroir également. Donc, il y a comme une espèce de jeu avec l'espace, une démultiplication. Mm-hmm. On est vraiment dans le foisonnement des papillons, pardon. Et puis, donc, c'est vraiment intéressant. Là, c'est belle remarque, ça, oui. Ouais. J'avais pas porté attention à ça. C'est vrai qu'elle a particulièrement bien joué avec l'espace qui était disponible et justement les accessoires, si je peux dire, mis à la disposition des artistes là, mm-hmm. par Simons, parce que c'est des socles qui sont utilisés par la boutique, en fait. Donc, mm-hmm. Vraiment, un beau dialogue à ce niveau-là. On a aussi une vitrine de Sarah Thibault, qui est une jeune artiste de la relève, oui. qui nous propose un gros coco doré sur quatre pattes dans oui. un univers un peu inspiré de la forêt, mais une forêt artificielle. On a un peu un discours sur justement la consommation, sur qu'est-ce qui nous rend heureux dans la consommation aussi. Mm-hmm. Le domaine des apparences qui revient aussi beaucoup dans plusieurs des vitrines qu'on présente. Une autre œuvre de Acapulco. Oui, qui détonne quand même pour le lieu, là, il faut oui, le dire. Hein? Une ouais. bétonnière ouais. un peu vieille d'ailleurs, qui a du vécu, on le sent, qui est présentée avec une série de thumbs up, mm-hmm. vraiment dans... comme les likes sur Facebook. C'est ça, ces fameux pouces dans les airs. C'est oui, ça, les voilà. pouces en l'air, en béton. Donc, on voit que la petite bétonnière est en train de se couler elle-même un socle pour s'auto-proclamer œuvre d'art avec les gens qui l'apprécient, c'est-à-dire les petits pouces en l'air. Oui. On a... Le collectif 5 qui est... encore une fois, un collectif de jeunes artistes fraîchement sortis de l'École des arts visuels. Cinq magnifiques jeunes filles, jeunes femmes, oui, c'est des jeunes femmes. Jeunes femmes, bien sûr. Absolument, qui nous proposent un grand tondeau, un cercle composé de fleurs séchées, mm-hmm. Patiemment ramassées, trempées dans la cire. Ça se présente comme un énorme mandala, une ode à la vie, au temps qui passe, comme une offrande qu'on offre à la vie mm-hmm. et en espérant que toute cette beauté-là puisse durer. Justement, et cette cire donne justement cette volonté, on dirait, de perdurer dans le temps, de laisser oui. de conservation, de figer oui. le tout exactement dans le temps. Et c'est vraiment intéressant parce que malgré que c'est des fleurs séchées, les couleurs aussi sont restées quand même assez vives. On mm-hmm. retrouve encore, malgré les semaines, même les mois qui ont passé, du vert. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que cette nature-là, cette vie-là persiste malgré tout. Et encore là, c'était pas nécessairement calculé par les artistes, mais on voit que le procédé utilisé a perduré cette vie-là et cette beauté. Dans cet immense mandala de fleurs séchées. Oui. Et il reste après ça les vitrines du Vieux-Québec qui, elles, sont quand même sont vitrines sur rue. Ça, c'est un autre oui. contexte. On n'est pas à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. Un peu plus petit, par contre, mais est-ce qu'on a une vue directe quand on se balade? Oui, accessible de jour comme de nuit. Exact. Et j'invite vraiment tout le monde à y retourner de soir. Elles sont particulièrement belles oui. lorsqu'elles sont éclairées là, de soir. On a Paris Martin, qui est une artiste qui donne dans le baroque, oui, le monde fantastique. Ici, hein? Vraiment un univers unique qui plaît énormément à tout le monde, autant les grands que les petits. Jacques Sanson qui nous offre une sculpture abstraite, vraiment très belle,

plus aussi souvent, parce qu'il faut rappeler qu'autrefois, en tout cas dans les grands magasins, moi je me rappelle avoir à l'université entendu parler là, des galeries d'art chez Eaton à Montréal, Ogilvy, Morgan's aussi, ou des artistes des artistes automatistes, des artistes modernes qui ont présenté des œuvres d'art dans les vitrines. Mais là, c'est différent un petit peu ici. Le but n'est pas commercial, mais vraiment de si on pourrait dire, de médiation, en quelque sorte. Et je me demandais quel est l'avantage à placer ces œuvres-là en vitrine plutôt que d'avoir des vitrines standards, là, avec les mannequins où on présente les produits, selon vous, mesdames? Bien, en fait, je pense que ça attire l'attention sur autre chose. Mm-hmm. C'est quand même de placer un lieu de culture dans un grand magasin. Donc, il y a quelque chose qui procède de l'étonnement. Oui. Assez souvent aussi, en fait, c'est drôle parce que depuis qu'on a les vitrines chez Simons, on a beaucoup de commentaires du personnel de Simons qui nous disent les clients ont pas le même rapport avec les vitrines qu'avec les vitrines. Puis, ils ont des superbes vitrines depuis toujours. Mm-hmm. Mais là, il y a plusieurs clients qui rentrent chez Simons, surtout à Sainte-Foy, sur Saint-Jean, oui, parce qu'ils ont vu les vitrines investies par des œuvres d'art et ça a piqué leur curiosité et là, ils rentrent à l'intérieur. Les galeries Lafayette en France font ça depuis quand même une quinzaine d'années, mais c'est beaucoup, de ce que j'ai vu en tout cas, beaucoup axé sur la peinture. Oui. Mais là, on est vraiment plus dans une esthétique de l'installation. Dans les petits univers. Des petits univers. Donc, je pense aussi que Manif, dans un certain sens, a apporté un petit élément nouveau. On a prolongé l'idée, on s'est inspiré. Mais encore là, pour revenir à votre question de départ, c'est vraiment, je pense que ça apporte quelque chose de différent et ça attire davantage le regard. Absolument. Moi, je trouve qu'une simple vitrine, comment dire, conventionnelle, justement, avec les mannequins où on présente les produits, ça charme, ça intrigue. Ça intrigue, ouais, exactement. Ça intrigue. Oui, on parce se demande. Parce que ça ne veut pas, aussi éclatante soit-elle, une vitrine reste quand même conventionnelle. Il va y avoir les mannequins, il va y avoir les produits de consommation. De normes à respecter. Oui. Donc, c'est ça, il y a un ensemble de normes à respecter. Elles sont reconnaissables. N'importe qui peut reconnaître une vitrine de grand magasin quand tu es élevé dans un pays où il y a des grands magasins. Donc, là, on sort de la norme, on est déstabilisé, on est intrigué, donc c'est intéressant. Et puis après, ça amène aussi l'art de recherche, je dirais, un art plus art actuel, dans des lieux où les gens, ils sont pas nécessairement en contact, où il y a probablement des gens qui sont jamais rentrés au musée qui vont au centre d'achat tous les dimanches. Effectivement. Donc ça amène des contacts comme ça qui n'auraient pas eu lieu sans ces interventions-là. C'est intéressant. Oui, c'est d'ailleurs un des commentaires qui est revenu souvent de la part des artistes qui ont participé là à ce projet-là. C'est intéressant d'aller chercher les gens ailleurs et d'aller chercher un public qui est différent. Et assez souvent, c'est ce genre d'expérience-là qui s'avère finalement positif, qui va donner une impulsion de départ à une nouvelle curiosité, un intérêt pour leurs contemporains. On reproche souvent à leurs contemporains d'être hermétiques, élitistes, mais quand on a accès à des œuvres qui sont accessibles, colorées, attrayantes, dans des lieux qui sont pas nécessairement habituel comme un centre d'achat, ben là, on démocratise vraiment. Il y a un effort là-dessus et je pense que ça s'est finalement prouvé, là, l'expérience le dit, le public aime beaucoup voir des œuvres dans les vitrines. Oui, vraiment, ça, on pourrait conclure en disant que ça ouvre les possibilités de dialogue avec l'art, puis comme tu dis, à faire peut-être le premier pas, ou du moins à nous rappeler que on peut aller voir ces œuvres-là dans les lieux de diffusion, que ce soit les musées ou les centres d'artistes ou autres. Donc vraiment, une très belle initiative, je trouve, de Manif d'art, d'avoir investi ça, puis une très belle sélection, il faut te le dire, Anne-Sophie. Ah, en même temps, c'est des artistes de Québec aussi, faut-il le préciser. C'était vraiment une volonté là, de mettre en valeur des artistes de Québec. On a tellement une belle scène artistique à Québec. Donc, vraiment très fière Oui, des belles vitrines qu'ils nous ont offertes. Exact. Chapeau. Donc, encore merci à Manif et à Simons, bien sûr, d'avoir embarqué dans le jeu qui a été proposé. Oh, oui. Sophie Blanchet, merci beaucoup d'être venue nous voir et d'en avoir parlé. Il faut dire aux gens que c'est possible de voir ces œuvres-là jusqu'au 16 avril. Donc, quand même, on a encore le temps. Ça vaut la peine d'aller faire le détour. Puis, comme tu dis, d'aller voir le soir aussi pour ce qui est sur aller prendre le une belle marche. On a plusieurs œuvres d'art extérieur, d'ailleurs, qui s'inscrivent dans la manif. Aller prendre un verre en ville, aller voir les œuvres d'art extérieur, puis passer par Simons pour aller voir les vitrines. Super. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient pour la deuxième moitié d'émission. 89.1. Québec. Même si cela doit se voir, je vous propose de l'écouter. Radio de Donf, notre objectif, $42,000. À quoi tu penses? Donner. Radio de Donf. À quoi tu penses? Donner. Radio de Donf, notre objectif, $42,000. À quoi tu penses? Donner. Radio de Donf. Donner. La fin de semaine du 31 mars. Ici Raymond Poirier. En compagnie de jeunes collaborateurs, j'animerai sur CKRL une série d'émissions spéciales en direct du cinéma Le Clap du 6 au 10 mars de 9h à 10h à l'occasion du Festival de cinéma en famille de Québec. Profitez de l'occasion pour plonger à la découverte de la riche programmation de l'événement au fil d'une série de rencontres, de critiques et de surprises. Informations fceq.ca. Présenté par l'Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Québec. Alors, de retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Ici, Gentiane La France au micro. Et je reçois en studio Héloïse Plamondon-Pagé. Bonsoir, Héloïse. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui. Donc, tu travailles à la programmation chez Folliculture. Et puis, ben, dans le fond, je débuterais peut-être l'entrevue avec, c'est quoi le mandat de Folliculture? Parce que on a l'impression que comme c'est pas un lieu de diffusion qu'on va, quand on fait la tournée des expositions, qu'on va visiter régulièrement. Ça peut paraître obscur pour les yeux de certains. Donc, c'est quoi le mandat? Quel type de diffusion? C'est quoi les différentes activités de Folliculture? Oui, bien, Folliculture, en fait, on est un organisme spécialisé en art visuel, en art contemporain. On s'intéresse beaucoup aux problématiques de santé mentale. Donc, d'une part, on va créer des projets en art actuel, mettant en scène des artistes professionnels. Puis d'autre part aussi, on va donner des ateliers de création en priorité à des personnes qui ont déjà eu des problèmes de santé mentale. Et puis, ces ateliers de création-là sont vraiment... on engage des artistes professionnels qui ont des démarches singulières qui nous intéressent pour venir donner des ateliers en lien avec leur démarche artistique, puis aussi faire sortir... pour faire sortir les gens, les participants un peu de, la peinture conventionnelle ou de la sculpture. Donc, par exemple, on a eu un atelier de GIF animé, on a eu un atelier de création de fanzine, on a eu des ateliers d'art audio. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sortent les participants de leur zone de confort, qui les amènent dans un réel processus de création, dans une démarche un peu plus, là. Oui. Oui, donc ben on t'a invité ce soir parce que on voulait te parler de des différents appels de dossiers. Il y a l'appel de la minute vidéo qui a été lancé il y a quelques semaines et vous venez de lancer cette semaine l'appel annuel et donc les deux se rejoignent sur un axe de réflexion commun qui est le préfixe poste. Qui est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces. Là, on peut lire dans le texte de la thématique annuelle différentes déclinaisons de ce terme-là, de ce préfixe-là, pardon. C'est sûr que si on pense à ce préfixe-là et au milieu de l'art, on peut dire que dans les années 70, il y avait quelque chose avec le postmodernisme, avec la postmodernité, plus précisément en architecture, ensuite dans les arts visuels, ensuite dans les sens social, on parle de perte de valeurs fondamentales, de valeurs qui unissent tous et jusqu'à l'année dernière où le terme post-vérité est devenu consacré le mot ben oui, de l'année. Exact, par le Oxford Dictionary. Oui. Non, c'est assez intéressant de s'intéresser à spécifiquement, c'est ça, au préfixe post parce que effectivement que dans le cas du postmodernisme, ben il était bien employé parce qu'il marquait un changement de paradigme, mm-hmm. il marquait une rupture avec le courant qui l'a précédé. Oui, donc en fait. Avant et après quand exactement. On parle de poste, il n'y a pas le choix. Mais en comité, parce que Folliculture fonctionne toujours hein, avec des thématiques, mm-hmm. donc comme tu l'as dit, c'est poste, mais les thématiques sont développées en comité de programmation. Puis en comité, on réfléchissait à ça, puis on se disait, ben aujourd'hui, il y a clairement une surutilisation, oui, du mot poste. Et dans ce sens-là, le terme est galvaudé parce que maintenant, ça représente ça. Plus nécessairement un changement de paradigme, une rupture, une condamnation d'un courant. Ça qualifie davantage, par exemple, des choses qui vont être démodées, désuètes, vieillottes, oui, qu'on va considérer comme ça puis qu'on va parler de poste. Tu sais, maintenant, on parle de post-avant-garde, de post-monothéisme, de post-désinstitutionnalisation, mais là, on se dit, mais OK, tu sais, c'est surutilisé. Puis on s'est demandé, mais quand serait-il si on nommait la réalité? Tu sais, qu'est-ce qui fait que le mot poste est surutilisé? Est-ce que c'est un ras-le-bol généralisé dans notre société de ce qui s'est fait avant? Mais en même temps, est-ce que ça va trop vite puis on n'est pas capable de nommer ce qui vient, tu sais, ce dans quoi on est. On n'est pas capable de nommer le temps présent. De définir le temps présent. Donc, on dit, OK, ben ça, c'est poste. C'est plus la consommation, c'est post-consommation. Mm-hmm. C'est plus l'avant-garde, c'est post-avant-garde. C'est plus du punk, c'est du post-punk. Mais qu'en est-il de l'essence même? Qu'est-ce que ça devient? Exact, parce qu'on condamne toujours le passé. Puis on est fortement tourné vers le futur. Hein. On a du mal à vivre dans le moment présent. Oui. Donc c'est ça. Le mot poste est surutilisé. Puis à Folliculture, on s'est dit, alors on lancerait une réflexion non pas sur l'ère de l'après-poste, hein, parce que là ça deviendrait très, ça parlerait du futur qu'on peut pas envisager. Puis mm-hmm. ça deviendrait très lourd, mais plutôt sur l'ère de la poste. Donc un autre préfixe. Un autre le préfixe ah. La. Donc, la négation du poste, ouais, en fait. Donc, on veut amener les artistes à s'affranchir de cette hégémonie-là du poste. Donc, on réclame le déni, on réclame l'absence de poste. On réclame le fait de nommer, mm-hmm. nommer ce qui se passe, de nommer, dans le fond, de s'ancrer dans le présent. Puis donc parce que aussi l'art c'est une belle forme pour le faire parce que l'art est fait dans un moment présent, mm-hmm. c'est le maintenant, le geste de création, mm-hmm. est fait ici maintenant, on a lu beaucoup là-dessus et ouais. tout. Bon, ben alors comment pour les artistes nommer ce qui est actuel avec un langage différent, avec un nouveau langage, avec comment faire de notre art un manifeste qui donne corps à un nouvel imaginaire, qui renomme l'art selon des pistes encore inexplorées. Donc c'est une thématique qui est très inspirante. C'est et extrêmement très riche, très très ouvert, très inspirant. Oui. Donc, si on revient un peu plus concrètement, donc c'est la thématique qui gouverne l'appel annuel pardon de 2018-2019, mais également de la minute vidéo. Qu'est-ce que la minute vidéo, Héloïse Plamondon-Pagé? La minute vidéo, c'est un appel annuel que Folliculture a depuis des années, mm-hmm. puis c'est vraiment trippant parce qu'on demande aux gens, aux artistes principalement, mais c'est également ouvert au grand public, on demande aux gens de créer une minute vidéo sur la thématique annuelle de Folliculture. Donc là, cette année, c'est la thématique poste. Mm-hmm. Puis en fait, il s'agit de nous envoyer une vidéo d'une minute. Et il y a peu de critères, en fait, quand il s'agit d'une... vraiment un peu d'une vidéo un peu fiction ou documentaire, une vidéo d'art, là, vraiment. Mm-hmm. Ben, on demande simplement à ce qu'il n'y ait aucun montage vidéo, aucun montage sonore. C'est vraiment un plan séquence de une minute. Et on accepte également les vidéos d'animation. Donc là, tu sais, effectivement qu'il y a un montage, mais c'est ça... Là, dans ce cas-là, la musique doit être une musique originale ou libre de droit. Et étant donné qu'on a commencé à donner des ateliers de création, de GIFs animés il y a 2 ans de ça, oui. Ben là, on accepte également les formats GIFs animés, mais il faut quand même y réfléchir si on va dans le GIF animé, parce qu'un GIF animé de une minute, tu sais, on comprend qu'il y a une répétition, mais oui. Ça peut devenir long. Oui. Donc, à ce moment-là, créer des GIFs qui se déploient, tu sais, qui sont plus longs, qui sont pas juste 30 secondes, oui. Tu sais, qui sont pas juste oui. 5 secondes. Qui peuvent se voir au ralenti. Exact. Oui. Donc, tu sais, il y a tout un champ à explorer aussi de ce côté-là. Et puis, c'est diffusé de quelle manière, ces minutes de vidéo-là? C'est des soirées, c'est des événements, je pense. Oui, c'est ça. On fait toujours des événements avec la minute vidéo. Donc, on reçoit toutes les minutes. Il y a un comité de sélection mm-hmm. qui choisit les minutes. Puis ensuite, avec les minutes qui auront été sélectionnées, on organise une soirée de projection qui souvent va se joindre à un autre événement de Folliculture. Donc, par exemple, l'année passée, on avait fait un encan de GIF animé en même temps que la soirée de projection des minutes. Donc... Mm-hmm. Et pour ce qui est de l'appel de dossier, donc on a parlé de la thématique poste. Folliculture, lorsque vous recevez vous avez un mandat qui va couvrir des pratiques très très diversifiées. Il va y avoir de la performance, il va y avoir justement fanzine, GIF, vidéo. Ouais. Donc très très diversifié. Donc vous acceptez différents médiums. Tout à fait. C'est vraiment multidisciplinaire. En fait, on n'a pas de on n'est pas spécialisé dans un médium. Ce qu'il faut savoir, c'est que Folliculture, comme tu l'as dit tantôt, n'a pas de lieu de diffusion. Mm-hmm. À chaque fois, on réinvente nos propres lieux de diffusion. Souvent, ça va être dans la rue. Souvent, ça va être des pratiques, plus de l'intervention, de la performance. Mais l'automne dernier, on a organisé une exposition très conventionnelle mm-hmm. avec des artistes. Donc, nos choix vont toujours dépendre de la qualité des dossiers qu'on a retenus, puis des pratiques des dossiers qu'on a retenus. Puis, on va créer un événement spécial pour la présentation de ça. Donc, la programmation se dessine en fonction des choix qui se font en exact. Comité de programmation oui. pour déterminer quelle pratique. Donc, vous partez pas avec l'idée qu'il faut avoir une performance par année, une soirée cabaret Tout ou des choses fait. Comme ça. Non. Donc, c'est ce qui fait que Folliculture est aussi étonnant, Ben oui, puis aussi, de sa programmation. Aussi, ces événements-là, on les fait tout le temps en relation avec la thématique. Oui. Comme, tu sais, l'année passée, c'était une normalité ostentatoire. Ben, on s'est dit, on va faire une exposition bien normale dans mm-hmm. laquelle on présente des mm-hmm. choses. Ouais. Donc, merci beaucoup, Héloïse Plamondon. Ça fait plaisir. Parler des activités de Folliculture, des appels qui sont en cours. Donc, l'appel minute vidéo va se terminer le 31 mars et l'appel annuel 2018-2019 se termine le 31 mai. Oui, donc on va partir pour une petite pause audio avec la pièce Flash Minuit. Flash, étrange sensation, flash. Alors, bonsoir Annie-Charlotte Thibodeau. Bonsoir. Alors, tu es allée voir pour nous l'exposition d'Annie-France Leclerc à Espace Parenthèse, manœuvre oui. de l'oubli et du souvenir et de l'oubli. Bon, on va la voir hein, quand même. Hein. Donc, une exposition de photos. Hein? Si on s'amusait à rire là, que la musique d'avant est un petit préambule à ça. Alors, donc, une exposition par contre qui a un sujet, il faut le dire, somme toute assez difficile, qui est une exposition qui parle du deuil, notamment. Exactement. Hein. En fait, c'est aussi la première exposition individuelle d'Annie-France Leclerc oui. à Québec. Puis le titre de l'exposition, comme tu le nommais, là, nous guide un petit peu sur le ton du travail. Mais plus précisément, c'est un projet d'exposition qui est l'aboutissement de 3 ans de recherche sur le deuil suite au suicide d'un proche. Donc, le point de départ de ce projet-là, c'est la marque d'une tragédie qui est survenue au cours de l'enfance de l'artiste, mm-hmm. soit le suicide de son père. Donc, l'amorce de cette recherche-là sur le deuil, c'était, oui, d'abord guidé par une expérience personnelle, mm-hmm. mais le projet s'est aussi ouvert à l'expérience d'autres endeuillés pour avoir une plus grande portée. Par le biais de la maison Montbourquette, une maison de soutien aux personnes qui vivent ou ont vécu un deuil de cet ordre-là, et par l'organisme Suicide Action Montréal, mm-hmm. l'artiste a pu s'entretenir avec 4 inconnus qui ont vécu une expérience similaire à la sienne. Et puis c'est probablement ce partage-là là, qui a permis d'arriver à des images aussi évocatrices pour l'ensemble des visiteurs qui mmh. se détachent là, justement mmh. du personnel pour aller à plus grand. Puis Manœuvre du souvenir et de l'oubli, c'est donc une série de photographies qui sont plus poétique que documentaire. Oui, c'est ça. C'est pas... quand même, ce sont de très belles photographies. Oui, hein, on pourrait penser... Ouais. C'est très beau, parfois des grands espaces, des petits détails sur des objets, des choses comme ça. Donc, quand même, on est dans l'intime. Oui, dans l'évocation. Ouais, l'évocation. Beaucoup, ouais. Exactement. C'est vraiment, dans le fond, un regard sur la relation de l'endeuillé au souvenir de l'être proche, mais aussi un parcours, moi, je trouvais beaucoup sur la résilience. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Puis ceux qui connaissent bien la galerie savent que c'est un espace qui est quand même particulier, mm-hmm. qui est presque scindé en deux, en fait, là, par un corridor qui amène à la bibliothèque du Cégep Sainte-Foy. Donc, la lecture se fait un petit peu dans deux espaces. Mm-hmm. Oui, exactement. Mais on sent quand même une forme de narration puis de progression qui, mm-hmm. Qui se fait de notre gauche vers la droite. Mais pour ma part, j'ai beaucoup apprécié la mise en espace de l'exposition. Mm-hmm. Parce que du côté, en fait, du côté gauche de la galerie, on trouve, ben, en fait, beaucoup d'espaces des deux côtés, des espaces vitrés. Mm-hmm. Puis, on a beaucoup de lumière naturelle qui entre de sources assez multiples. Mm-hmm. Donc, dans cet espace-là, je trouve que ça a été plus utilisé que contrôlé ou dompté. Puis, on le sent donc dans la partie gauche où les deux longs murs blancs se terminent dans un mur commun perpendiculaire qui, lui, est occupé par une ligne horizontale de large fenêtre peu haute. Mm-hmm. Et l'artiste a su utiliser cette ligne-là qui apparaît dans l'espace de la galerie, puis déployer 2 grandes bandes de photographies sur les murs adjacents. Donc, avec ce choix-là, les images se révèlent un petit peu, en partie, grâce à cette lumière naturelle-là, ce qui apporte plus de sensibilité puis de douceur aussi au projet. Oui, exactement. Et puis, je disais à Jean-Tiane tout à l'heure que ce sont des photos, somme toute, d'un format, si on peut dire, ben pas petit, mais tu sais, pas, ce ne sont pas de grandes photographies qui nous envahissent. Oui. On est porté à s'approcher, à entrer de façon, comme on disait, intime, en relation avec ces images-là. Complètement. Puis à l'intérieur des grandes bandes d'images aussi, en plus de la ligne de lecture, on a des sous-ensembles mm-hmm. de photos qui se créent. Oui, des diptyques, des triptyques qui sont formés. Oui, qui font des... en fait, qui laissent planer des compositions d'objets du quotidien, de prise de vue, comme tu le disais tantôt, Audrey, aussi de la nature, mais aussi des portraits isolés. Puis, peu à peu, au cours de notre expérience de l'exposition, c'est là que la forme de résilience dans l'absence mm-hmm. s'installe dans notre parcours. Oui, on peut comprendre aussi certains éléments justement de cette ritualisation du souvenir. Oui. Dans le deuil. Je pense à un diptyque d'un monsieur assis dans son salon, une feuille à la main, et dans la photographie qui est juste à côté, on a des chandelles sur une table de salon. Mm-hmm. Donc on devine que c'est peut-être l'être disparu. Ouais, un espace pour se recueillir. Oui, qui est derrière ce rituel-là des chandelles qui sont allumées. Donc, il y a plein d'histoires comme ça qu'on peut se raconter par rapport à ces... Oui, c'est assez ouvert là, la lecture. Oui. Puis, c'est assez présent dans cette exposition-là aussi, les forts rapprochements entre diverses images. Puis souvent, ce sont souvent des expériences de la nature. En fait, il y a une progression tout au long du parcours. Au départ, on a plus ce type d'intervention-là, comme tu viens de décrire, de des espaces intérieurs plus fermés. Fenêtres. Exactement. Mmh. Puis au cours de notre expérience de l'exposition, c'est comme si ça s'ouvre justement vers des plus grands espaces, des espaces plus lumineux. On a des portraits qui sont plus calmes, plus sereins. Ouais, moi je dirais ça, il y a une certaine sérénité dans certaines images qui ressortent. Notamment, moi j'aime bien le triptyque qui était disposé sur la partie vitrée là, qui ouvrait vers la bibliothèque. Vraiment, il y a quelque chose de... On est dans les couleurs aussi, on est dans le côté très naturel, le vert des arbres, la lumière naturelle et un portrait d'une jeune femme qui est dans la nature aussi. Vraiment, cette image-là, ce triptyque-là m'a beaucoup accroché. Oui, moi aussi, c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée. Puis c'est comme si, justement, les deux espaces de nature viennent border aussi un espace intérieur. Oui, c'est ça. Puis ça aussi, ça revient quand même souvent là, de joindre de l'expérience de des grands espaces puis de montrer des petits éléments plus... des vues plus intimes. Puis c'est comme si le jeu entre l'extérieur puis l'intérieur, pour moi, s'agissait comme des formes d'aller-retour introspectif aussi, qui dans des images très, très simples, mais qui sont assez chargées aussi. Oui. Eh bien, en tout cas, une exposition qui vaut le détour à aller voir, honnêtement, une belle exposition de photographie qui, je pense, risque de toucher un peu tout le monde. Une image peut nous accrocher ou nous toucher par son évocation à un proche qui pourrait être disparu, là, que ce soit peut-être pas par le suicide, mais du moins un proche qu'on a un petit rituel ou quelqu'un qui nous a marqué dans notre vie. Enfin, je pense que c'est une belle exposition à voir et c'est jusqu'à ce dimanche. Faut se dépêcher. Exactement. C'est ça, c'est présenté jusqu'au 5 mars. Oui, alors merci beaucoup Annie et Charlotte Spodo d'avoir Je prendrai peut-être une petite minute pour rappeler les heures d'ouverture. Certainement, parce que c'est un peu plus atypique, mais ça peut être assez accommodant pour plusieurs personnes. En fait, du lundi au jeudi, c'est de 7h15 à 20h45 et le vendredi de 7h15 à 18h. Fait que ceux qui sont dans le coin de Sainte-Foy, on peut aller faire un petit arrêt après le boulot, hein, comme ça. Exactement. Ça vaut la peine, ou après le souper, qui sait. Donc, on s'en va en pause audio. Et on revient après ça pour l'agenda de la semaine. Je t'ai vu sur l'eau. Sur l'eau. Alors, juste avant de terminer l'émission, et avec l'agenda de la semaine et les remerciements, mentionner un petit mot pour vous dire que CKRL est en pré-radiothon. Hein, le radiothon aura lieu le 31 mars, 1er et 2 avril prochain. Et on vous invite à donner généreusement, renouveler votre membership si c'est pas fait encore. Exactement. Ce sont des gestes très importants pour cette station. Hein, si vous l'appréciez, les animateurs qui sont ici, nous, on est tous bénévoles et on a besoin de votre soutien. On travaille fort pour vous à chaque semaine. Donc, vous pouvez le faire un don pré-radiothon. Donc, pour tout don de 20 $ et plus, vous pourriez gagner un prix spécial pré-radiothon et il y a aussi un prix membre pour ceux qui vont renouveler leur membrariat avant le 25, avant le 31 mars, pardon, 17h. Donc, vous pouvez faire votre don directement à la station 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 ou vous pouvez le faire en ligne sur le site de CKRL, donc ckrl.qc.ca. Donc, donnez généreusement, ça vaut la peine. Alors, agenda, les choses à ne pas manquer cette semaine. Ce jeudi, c'est le vernissage à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Vernissage de Jasmine Gay, Alfia Jonca et Roxane Tremblay-Girard. C'est une exposition intitulée « Elle pensait comme ça alors que pas moi ». Intriguant. Vendredi, vernissage de Dark Watercolors de Daniel Barrow à ne pas manquer, je vous le dis. Oui, dont on a parlé à l'émission il y a quelques semaines. Oui, oui. Et j'ai entendu certains projets aussi qui se trament normalement à voir à la Galerie 3. C'est à compter de 17h30. Samedi, déjeuner, méduse, art, café et discussion. Donc, on vous donne l'occasion de rencontrer trois artistes qui sont en résidence actuellement à Méduse pour découvrir leurs pratiques artistiques, des artistes internationaux et locaux, Jean-Charles Rémicourt, Marie, Esther Kempf et Martin Bureau. C'est au café Fastoche qui est dans Méduse, donc de 10h à midi. Donc, allez-y en grand nombre, c'est gratuit. Vernissage des expositions aussi ce samedi, Dany Maillargeon, de Émilie Proulx, Lauriane et Lauriane Thibodeau, ainsi que Charles-Étienne Brochu dans les bibliothèques de Québec. Je vous invite à aller sur le site de Manif d'art, donc celle de Aliette Marchand, Gabriel Leroy et Monique Corriveau, donc dès 15h. Et dernière semaine pour voir, on l'a dit, Annie France Leclerc à Espace Parenthèse, Robin Moody à la Chambre Blanche, qui était un coup de cœur de Marie-Claire, oui, hein, la semaine dernière. Les Chaudières. Et aussi, on disait, le circuit art public de Manif d'art 8. Il y a trois œuvres vidéo là, qui sont projetées, qui font ne pas manquer, qui sont jusqu'à dimanche, je pense. Donc, Jocelyn Robert sur la façade du séminaire de Québec, Angécia sur la façade du musée de la civilisation et Élodie Pong sur la façade du Café Rencontre du centre-ville. Donc, c'est ici que se termine l'aérospatial. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatial.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Un grand, grand merci à nos invités, Anne-Sophie Blanchette et Héloïse Plamondon-Pagé, ainsi qu'à notre chroniqueuse Annie Charland-Thibodeau. Merci à Jacques Gignac, à la mise en onde. Merci Audrey. Merci. Et la semaine prochaine, nous allons avoir Émilie Poratia Verdier en chronique, la capsule Avatar l'accroche-oreille et probablement Jean-Pierre Morin sur son exposition chez la Certe. Ne manquez pas dimanche à 21h l'accroche-oreille avec Gaétan Gosselin sur les ondes de CKRL. Demeurez à l'écoute de l'autre côté de la pause. C'est Pierre Blais et son équipe qui vont vous parler cinéma à l'émission Situation critique. Bonne semaine Jean-Pierre. Bonne semaine Audrey. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1. Du 2 au 12 mars, c'est le Festival de cinéma en famille de Québec. 10 jours de cinéma et d'activités pour toute la famille. 21 pays seront représentés lors de rencontres uniques et de primeurs internationales. La France sera à l'honneur avec 10 films et 30 courts-métrages. Pour lancer les festivités, le film Ma vie de courgette, nommé aux Oscars et gagnant du prestigieux prix Cristal du Festival d'Annecy. Le cœur en braille de Michel Boujna sera présenté en clôture du festival. Le Festival de cinéma en famille de Québec, du 2 au 12 mars, au Cinéma Le Clap, Cinéma Lido à Lévis, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation et à l'École de cinéma-télévision de Québec. Information fceq.ca. Ici Raymond Poirier, en compagnie de jeunes collaborateurs, j'animerai sur CKRL une série d'émissions spéciales en direct du Cinéma Le Clap du 6 au 10 mars de 9h à 10h à l'occasion du Festival de cinéma en famille de Québec.